monde changera. Un nouveau jour sur la terre nous portera la lumière et le soleil brillera comme un message d'espoir sur un monde sans frontières. Si tu entends ma sur un monde sans frontières.